Bien, ben, merci beaucoup. Ben, je suis également très heureuse d'être ici et donc de vous accueillir pour cette journée qui est donc organisée, comme l'a dit Mathieu, par la Société des Amis de Bussy-Rabussin et le CEREC, le Centre d'études de recherche sur l'Europe classique, qui fait partie donc de l'Université de Bordeaux-Montaigne et du Centre Clare. J'en profite pour remercier vivement le directeur du centre de recherche du château de Versailles, Mathieu, pour sa gentillesse et justement cet accueil qu'il nous a fait, qui nous a permis d'organiser cette journée. Et donc, je laisse le président de la société prendre la parole. Ah, ça, c'est merveilleux parce que je parle en troisième et c'est moi qui commence. Ouvrir les célébrations du quatrième centenaire de sa naissance à Versailles constitue une douce revanche pour Roger de Bussy-Rabutin. Nul doute qu'il en aurait encore plus goûté le thème, le retour des exilés. Lui-même, vous le savez, a connu l'exil en 1659 après la partie de Roissy, puis une disgrâce sourde, puis la Bastille en 1665 de nouveau après le scandale de l'histoire amoureuse des Gaules et l'exil en 1666. C'était le second, d'où le choix de ce thème. Et s'il fut autorisé à revenir à la cour en 1682, il y figura peu. Il s'était raccommodé avec cette folle de fortune, pas avec la faveur royale. Nul doute encore qu'il aurait trouvé très légitime que l'on lise son œuvre sous cet angle, puisque de tous les grands mémorialistes du grand siècle, il est le seul à avoir conçu son œuvre mémorielle en fonction de l'exil. En effet, pour bien marquer la rupture de l'exil, ses mémoires s'arrêtent à sa sortie de prison en 1666. Cessant d'être acteur, il ne peut plus que commenter le témoignage de ceux qui sont restés auprès du roi. C'est pourquoi la suite des mémoires prend la forme d'échanges épistolaires semés de réflexions et aiguillés de poésie, de traductions et de citations. La suite des mémoires est l'œuvre par laquelle Bussy entend obtenir son rappel en mettant son exil en scène. Car, attentif aux mots, il ne parle jamais de bannissement. Bussy est attentif aux mots, non pas parce qu'il était académicien, mais parce que tout son travail d'écriture et a consisté à chercher le mot le plus efficace, le plus juste, et à contribuer, ça nourrit ses échanges avec les pères Bourg et Rapin en particulier. Et je crois qu'il faut préciser ce qu'est l'exil. Alors, le mot exil, selon le Littré, vient d'exilium, qui vient d'extra solum, et qui désigne le fait d'être loin, en dehors de sa terre, d'être éloigné. Au Moyen-Âge, le champ sémantique du mot exil s'est enrichi. Il renvoie à tout ce qui relève de la destruction, de la souffrance physique. Il devient synonyme de torture, de persécution, ou encore des ravages et de la dévastation d'une terre. Ce mot évoque encore la peine qu'entraîne cette destruction, comme la détresse, le malheur, le tourment. L'éloignement ou la perte de sa terre ou de son pays, c'est aussi la perte d'une identité et de son statut. Sous le règne du roi Soleil, être exilé, c'est être condamné à vivre loin de ses rayons. L'exilé est condamné à mourir, en quelque sorte, socialement. Seule la grâce met fin à son exil. Une grâce qui est parfois la conséquence de la mort d'un roi. Songeons aux grâces accordées par Anne d'Autriche après la mort de Louis XIII, décrite avec ironie par le cardinal de Ré. « Il n'y avait plus que quatre petits mots dans la langue française, écrit-il. La reine est si bonne. » L'exil comme la grâce appartient donc au roi et à ceux qui exercent le pouvoir. Nulle explication, nulle justification ne sont requises pour décider de l'éloignement. Une lettre de cachet suffit. Personne ne cherche à lever le voile sur les causes profondes qui ont poussé le roi à utiliser cette arme, dont une des particularités est d'être diverse, enfin pardon, dont une des particularités est d'être souvent arbitraire, aussi bien dans sa durée que dans ses modalités d'application. Donc ce qui définit paradoxalement l'exil, c'est sa diversité, sa variabilité. Par exemple, Bussy est interdit de séjour à la ville capitale et à la cour, mais sa peine n'est pas une condamnation. Autre exilé célèbre, Varde, qui apparaît dans la correspondance de Bussy alors qu'il exerce son gouvernement d'Aigues-Mortes. C'est dire que l'exil n'emporte nulle infamie, il y a au contraire honneur à le soutenir avec dignité, à l'exemple de Chandonnier, et encore plus à en revenir avec le panache d'un Lauzun que nous présentera tout à l'heure Claire Caglia. Cependant, dans l'histoire comme dans l'historiographie des mémoires, peu de personnages étonnent autant que la princesse des Ursins, chère à Saint-Simon et aujourd'hui à Anne-Madeleine Goulet. Variabilité identique dans les durées comme dans les retours. Rien n'est plus indéfini que la durée d'un exil sous le règne d'un roi quasi immortel, pour les contemporains de la Fronde en tout cas. Plus de 30 ans pour Chandonnier, 28 ans pour Saint-Évremond, si l'on ne compte pas les 10 années d'exil en Angleterre qui sont devenues volontaires, 16 ans pour Bussy et Mademoiselle de la Force, 10 ans pour le second exil de Lauzun qui retrouve Fouquet à Pignerolles, ainsi que le marquis de Sessac. L'exilé peut être invité à retrouver ses terres et ses châteaux, comme pour Bussy, ou conduit dans des appartements d'une extrême fraîcheur dans lesquels on n'est jamais incommodé du soleil, Fouquet et Lauzun. Il arrive encore que pour éviter d'être logé si gracieusement par le roi, certains devancent la sanction royale et s'expatrient. Seul le roi met fin à l'exil. Il peut autoriser un retour très ponctuel pour régler un procès ou des affaires, mais en aucun cas l'exilé peut se présenter devant lui. L'installation de la cour à Versailles rend d'ailleurs cette distinction plus sensible. Rien n'est plus varié également que les modalités des retours d'exil. Il y a de grands retours, d'autres discrets, voire clandestins, pensons au séjour à Paris de Bussy. Il y a parfois des zestes de retour, selon l'expression de Saint-Simon reprise pour désigner l'entrevue de Pomponne avec le roi. Des retours de fin de vie ou de carrière qui donnent lieu à des anecdotes fameuses, plus ou moins inventées. Songeons à Louis XIV, disant au cardinal de Ré, « Monsieur le cardinal, vous avez les cheveux blancs. »« Sire, lui répondit-il, on blanchit aisément lorsqu'on a le malheur d'être dans la disgrâce de votre majesté. » Parce que l'exil, comme vient de vous l'expliquer Myriam Timidi, dépend du bon plaisir du roi, la mesure renvoie à la définition même de l'absolutisme et informe la rhétorique des témoignages des exilés comme de leur avocat et définit les circonstances de leur retour. Par conséquent, elle s'inscrit dans des conceptions politiques progressivement construites et dont l'utilisation va s'adapter aux circonstances des règnes, ainsi que nous le montrera Jugan Swann. La grâce étant une prérogative royale, Bussy ne se situe que par rapport au souverain. C'est la première conséquence sur son écriture même. Mieux, le mémorialiste devient ainsi l'un des héros de l'absolutisme dont il est la victime, puisque parmi les changements d'exercice du pouvoir qu'il note, il y a précisément l'exercice personnel du pouvoir. Et voilà, je m'adresse toujours directement à lui, dit-il en parlant du roi, comme j'ai fait, parce qu'il nous fait le plaisir et l'honneur de nous montrer que nous n'avons d'autre maître que lui. Position, peut-être, mais qui a une contrepartie extrêmement importante, c'est que Bussy s'interdit de parler politique. Corseté dans cette relation roi-sujet ou relation de sujétion, il va feindre d'ignorer les factions, les cabales, les enjeux de pouvoir et les enjeux d'action. Cela ne veut pas dire qu'on ne les trouve pas signalés dans la suite des mémoires. Cela veut dire qu'ils ne sont dits que tant qu'ils sont dissibles et lisibles par le roi. Et ça, c'est une conséquence extrêmement importante et qui va modifier la lecture de tous les témoignages des exilés, des mémorialistes. Toute l'écriture mémorielle, toute celle qui est susceptible d'être montrée, présentée au roi, respecte des conventions. Et il faut avoir conscience de ces conventions parce que, dans le cas de Bussy, c'est évident, mais c'est vrai pour d'autres. Toute son œuvre autobiographique en témoigne, le retour fait l'objet de tractations et d'une mise en scène. Daniel Henri Vincent nous décrira celle du retour manqué de Bussy en 1673. Les courtisans scrutent ces signes et Nicolas Garotet nous expliquera comment Madame de Sévigné ne manque pas de les relever. Plus profondément, s'il est permis de noter le jeu de la faveur, ne serait-ce que pour choisir les bons intermédiaires, la nature, comme je le signalais tout à l'heure, de la relation entre le souverain et son sujet exclut tout langage politique. Et ça explique aussi que quand on travaille à partir de cette source que sont les mémoires ou l'épistolaire, on a l'impression qu'il n'y a pas de politique à la cour, qu'on est simplement dans un jeu de la grâce et de la faveur. On ne va pas dire les enjeux de pouvoir. Et non, on parlera de factions ou de clientèle, mais on ne les décrira pas en termes politiques, alors même que cette pensée est consciente. L'exil n'est-il pour autant qu'une mesure individuelle, comme semblent le présenter les exilés, et n'a-t-il pas un impact sur le jeu politique à la cour? Les exilés, les mémorialistes, eux, nous disent simplement cette chose. L'exil comme le retour constituent deux épreuves à l'aune desquelles on peut juger les courtisans. Songeons à Pomponne éloignée, rappelée et consultée toujours. Songeons également à la difficulté de reprendre du service à un rang adéquat. L'un acceptera à cette fin de jouer les espions, l'autre reprendra du service à l'armée. Mais quelle différence entre le marquis de Sessac d'Emmanuel Lemay et Gaspard de Chavagnac, réhabilité par Fadi El Hadj. L'exil, ne brise pas les solidarités familiales ni la communauté de pratique sociale. Cela vaut en particulier pour les jeux d'écriture. Toute la stratégie de Bussy repose très exactement sur la poursuite d'une écriture de cour ou de courtisan. Il soumet au roi ses œuvres autobiographiques pour obtenir son retour, mais il les lui soumet parce qu'il lui avait déjà communiqué des textes auparavant, parce qu'il lui avait communiqué les maximes d'amour et le recueil de poèmes contre l'infidèle Madame de Monglat. Saint-Aignan, cet ami qu'il appelait le paladin, est sans doute celui qui illustre le plus durablement ce service auprès de Louis XIV. Il reviendra à Marianne et Clindova de nous rendre sensibles au parcours de Mademoiselle de la Force. Il arrive pourtant que des exilés renoncent à leur retour. Marine Roussillon apportera à cet égard le témoignage de Saint-Évremond. Le choix de ce cousin de Bussy illustre les limites de l'absolutisme qui n'a pas su se montrer assez attrayant dans ce cas-là. Aussi bien, Saint-Évremond n'avait-il pas à se soucier du destin de son lignage? C'est sans doute à cette contrainte que Bussy doit avoir su accepter que le retour d'exil n'interrompe pas la disgrâce. Le roi ne l'aimait toujours pas, mais Bussy a su, par ses écrits, l'obliger à lui rendre justice. Il a ensuite accompli ses devoirs de courtisan avec assez de zèle pour mériter de revenir à Versailles en écrivain. Ou plutôt, en écrivain et en écrivant, et grâce à l'écriture, car l'exil n'a pas altéré son statut. Sa grandeur est même d'avoir trouvé le moyen de valoriser celui-ci par celui-là dans sa province.